Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. C'est le commentaire de Madame l'atelier Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, je veux te parler de ton article au centre que tu as fait dans le quotidien mardi sur le centre Georges Vézina. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est le moment idéal, une campagne électorale, pour débloquer des idées, voir des problèmes dans notre ville. Je le vis actuellement moi-même en campagne. Et je trouve ça dommage, évidemment, que le centre Georges Vézina, il n'y a pratiquement pas été question de ça. Effectivement, il n'y a pas été beaucoup question. J'ai eu plusieurs emails cette semaine suite à l'article, venant même des candidats qui sont en place actuellement, qui vont vivre l'élection de dimanche prochain. Écoutez, ici à Saguenay, on a rénové tous les amphithéâtres. On commence par le Palais des Sports de Jonquière, l'Aréna de Kenogami, le Foyer des Loisirs, l'Aréna Marina Larouche. On est allé à la baie, on a refait tous les glaces à Jean-Claude Tremblay. Les deux seuls amphithéâtres qui sont vraiment, je pense, qui n'ont pas été rénovés dernièrement, c'est le Centre Vézina et le Palais d'Agriculture. Le grand sujet au Centre Vézina, bien entendu, c'est la fameuse glace olympique et c'est la toiture. La toiture est dans un état pitoyable. Écoutez, il n'y a pas d'ingénieur actuellement qui ose se prononcer quand on veut mettre juste une banderole ou un spectacle où tu dois accrocher des systèmes de son au plafond ou des choses comme ça. C'est pas permis, là. Ouais. C'est impensable parce que la ville ne peut pas. L'hiver, aussitôt qu'il tombe quelques centimètres de neige, on est toujours engagé des firmes pour déblayer parce qu'on a toujours peur que la pesanteur de la neige fasse que ça pourrait s'effondrer. Donc, moi, je pense qu'on est rendu là, le centre Vézina. Et le premier ministre du Québec l'a dit il y a quelques semaines, lors d'une annonce ici qu'il faisait, il dit le prochain gros projet à Saguenay, c'est bien entendu, c'est le centre Georges Vézina. Et actuellement, au Québec, partout, Trois-Rivières va avoir un nouvel amphithéâtre dans les prochaines années. À Laval, là, on a bâti un nouvel amphithéâtre qui est en place depuis quelques jours. On va avoir à Gatineau un nouvel amphithéâtre avec quatre glaces, pas deux, quatre glaces. Mais ça a été long, Phil. Ça a été long. Gatineau, pas Trois-Rivières, ça a traîné. Je vais te dire, tu sais, comme moi, Danny, dans ces projets-là, souvent, c'est une question politique. Ouais. Quand le politique se chicane au niveau local, puis chicane avec le provincial, puis chicane avec le national, mais là, actuellement, moi, je pense que Saguenay est en la bonne chaise. Exemple, on va avoir un nouveau conseil de ville à partir de dimanche prochain. On a également, on est en élection provinciale d'ici un an, donc c'est le temps ou jamais de souvent qu'on fait des annonces importantes. Et au niveau fédéral, on est au pouvoir avec M. Lemieux, qui est le député du coin. Donc moi, je pense que tous les éléments essentiels pour avoir une réponse rapide peuvent le faire, et moi, je pense qu'on est rendu là. Deux, il y a une chose également qu'il faut regarder. Il y a quelques années, lorsqu'on avait fait la demande de la Coupe Memorial, le premier s'est engagé à dire « on va rénover le centre Vézina, qu'on ait la Coupe Mémorial ou pas. » Malheureusement, ça s'est pas fait pour toutes sortes de raisons. J'ai même vu des plans, moi, personnellement, de la rénovation du centre Vézina, de quelle façon que ça va être, que ça va être fait. Moi, je préconiserais un aréna neuf parce que je me dis que c'était bâti des années 40. Donc, c'est vraiment très, très vieux et très usagé. Mais encore là, c'est pas moi qui décide, c'est pas mon argent à moi, donc ce sera aux gens en place de prendre les grandes décisions de ce côté-là. Mais je pense que les Saguenayens attendent ça. D'ailleurs, j'ai eu sur Twitter un commentaire de Gilles Courteau en disant « Saguenay et les Saguenayens méritent et doivent avoir un nouvel amphithéâtre ». C'est clair, là. Je pense que à tous les niveaux. Il y a quelques années, moi, je me rappelle qu'à Sherbrooke, on a mis près de 10 millions pour rénover l'amphithéâtre là-bas, qui était beaucoup moins âgé que le centre Vézina, pour le rénover. Moi, personnellement, je pense qu'on est rendu là. Est-ce que ça va se faire rapidement? Je doute. Mais je pense que d'ici 2 ou 3 ans, il devrait y avoir un gros projet sur la table pour rénover le centre Vézina. On n'a pas le choix. Et deux, dans toutes ces discussions-là, il ne faut pas oublier le patinage de vitesse sur courte piste parce que on a été longtemps le berceau. On est encore là. Écoutez, une équipe olympique compte 4 à 5 athlètes de la région qui ont passé par le centre d'entraînement Marc Gagnon. Mais moi, je pense que l'idéal, le palais d'agriculture est tout juste à côté il est fini. Fini, il est en très mauvais état. Et moi, je pense que c'est l'occasion idéale de bâtir un aréna avec deux glaces. Et la deuxième glace devra être olympique pour permettre à ces athlètes-là de progresser, d'avancer. On a toujours eu de bons athlètes, on a toujours eu de bons programmes au niveau du patinage sur courte piste. Et moi, je pense que c'est ça va être la situation idéale pour le faire. Sauf que j'ai encore parlé la semaine dernière avec Yannick Jean, la fameuse glace olympique. Ouais. Et Yannick, c'est pas la fin. Notre début de saison est attribuable en partie à ça. Parce qu'il dit, c'est facile qu'il dit là, je vais dire ça, le monde va dire, oh, Yannick, il se défend là-dessus. Il dit, le problème que je vis, l'année passée, j'avais 15 à 16 joueurs qui avaient déjà vécu un an sur la glace olympique. Quand un joueur a vécu un an sur une glace olympique, il n'y a pas de misère à s'adapter. Mais cette année, c'est l'inverse. J'ai 15 nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué sur une glace olympique. Donc, à partir de ce moment-là, c'est extrêmement difficile pour les jeunes de prendre des habitudes. 15 pieds plus large pour un défenseur, c'est toute une différence. Même chose pour les ailiers, même chose pour le patron de jeu. Donc, il dit, ça joue un rôle important. Il dit, quand je repêche, je suis obligé de penser à ça. Ben oui. Alors que la moitié de mes parties sont sur une glace normale et de l'autre moitié est sur une glace olympique. Donc, c'est pas nécessairement un avantage pour les Saguenayens quand tu regardes le pour et le contre à la fin, quand tu fais le bilan total des résultats. Donc, évidemment, ça va dépendre de la personne qui porte ce dossier-là aussi. Est-ce que ce sera une priorité pour José Néron? C'est la question, hein? Écoutez, j'ai pas parlé à Mme Néron. J'ai eu des emails de certaines personnes qui m'ont dit que oui, effectivement, c'était prioritaire, qu'il fallait le regarder après. Sauf que c'est sûr qu'en une campagne électorale, on ne peut pas parler de tous les dossiers. Puis le deux, c'est que faire des promesses, c'est toujours difficile de dire, ben là, il faut que je les réalise après. Là. Tu sais, c'est toujours ça. Deux, il faut que tu parles avec les gouvernements également avant d'aller là. C'est pour ça que, moi, honnêtement, quand il y a deux ans, on a fait une élection partielle à Saguenay, à ce moment-là, je pensais que les libéraux auraient eu ça dans leur campagne. Ils n'ont pas voulu le mettre. Là, actuellement, on serait prêt à le mettre dans une nouvelle campagne. Donc, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Je pense que, encore là, le gros décideur là-dedans, c'est le fédéral et le provincial. Ah oui. Ce sont les deux plus gros bailleurs de fonds. Parce que la ville, elle, vient peut-être avec 30 % mais les 70 % autres, ça vient du fédéral et du provincial. Oui, oui. Phil, ça panique à Montréal avec Price, hein? Et c'est... Ils ont raison de paniquer un peu. Les résultats sont pas là. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a une légère blessure. Mais moi, je pense que c'est pas ça. Je regarde garder Carey Price. C'est pas le gardien des années antérieures. C'est pas vrai. Il est toujours en hors position. Il est toujours en déséquilibre. Il est jamais devant son filet. Il se fait prendre hors position régulièrement. Oui, il n'y a pas la même défensive qu'avant. Ça, je comprends. Et je suis d'accord que c'est un peu plus difficile. Mais moi, c'est vraiment son langage que je regarde qui me fait peur. Vraiment, il semble avoir perdu toute sa confiance. Oui, j'écoutais, puis je lisais des commentaires d'anciens gardiens de but qui disent que ça arrive à tout le monde dans une carrière. Mais Price, c'était un gardien qui était réputé pour avoir une technique impeccable. Tout à coup, il n'y a plus de technique, il n'y a plus rien, là. C'est alarmant, qu'est-ce qui se passe actuellement avec Carey Price. Et lui, il dit, je suis pas inquiet, je vais retrouver mes repères. J'espère qu'il va le retrouver, mais il faut pas qu'il attende encore 20 games, parce qu'il va être trop tard, le Canadien va être passé outre. Puis, qui va mal paraître, ben, ça va être Bergevin qui va mal paraître, Claude Julien qui va mal paraître. Là, actuellement, je regarde ça, Bergevin paraît mal. Claude Julien, tout le monde dit, pourquoi vous ne convient dit Michel Therrien, on est en tête à la même date l'année passée, là. Donc, tu sais, c'est tous des questionnements que les gens ont. Et deux, c'est que souvent, ça affecte les joueurs. Pour avoir joué au hockey, quand tu sais que ton gardien n'est pas hot, puis tu sais que ton gardien donne un ou deux mauvais buts, c'est très difficile pour les joueurs qui sont devant lui. Ils disent, il ne faut pas faire d'erreur parce que le gardien ne serait pas. Avant, c'était l'inverse. Mm. On disait, pas grave, même si on fait une erreur en avant, le défenseur va réparer, ou bien Price va les arrêter. Normalement, un gardien de but, numéro un, de très bonne qualité, gagne en moyenne 6 à 7 parties à lui seul durant une saison. Là, il accorde 5 buts, 4 buts, puis 5 buts par match. Tu sais, à 4 ou 5 buts par match, le Canadien n'a pas l'attaque pour être capable de rivaliser quelque chose. C'est pas les Tampa Bay, puis c'est pas les Oilers Edmonton qui ont une machine à marquer des buts. Alors, les Canadiens de Montréal sont en difficulté actuellement, situation difficile, puis en plus, faut pas se le cacher, à Montréal, c'est toujours le drame. Le Canadien perd deux fois par d'affilée, là, c'est-tu quoi? la Terre arrête de tourner, puis là, tout le monde est centré là-dessus, puis le Canadien, puis le Canadien, puis le Canadien. Mmh. Et j'espère que ça va se retrouver. Puis deux, le Canadien n'a pas un début de saison facile. On a eu un voyage dans l'Ouest. Ouais. Là, on est encore parti pour un 4 matchs sur la route. On a vraiment un début de saison difficile. Puis, faut admettre aussi, il n'y a pas un price, là. Maturity, il est où actuellement? Oui, effectivement. Tu sais, je regarde Jonathan Drouin, on s'attendait à ce qu'il lance l'équipe, puis l'attaque et tout. Pas du tout. Actuellement, là, ce qu'on voit, c'est Gallagher puis Hudon. Puis aujourd'hui, je regardais encore. Hudon, on trouve le moyen. Hier, il jouait un match tout à fait exceptionnel pour ce que Claude Julien a contre Hudon. On le faisait à troisième période, c'était le meilleur trio avec lui puis Gallagher. Il allait changer le trio. Il a envoyé Hudon sur le quatrième. Aujourd'hui, lors de la période d'entraînement pour la fin de semaine, Hudon, il leur place le quatrième trio quand c'est son meilleur, avec Pécanex, son meilleur trio en attaque. Mmh. J'ai un peu de difficulté à suivre Claude Julien également dans la façon qu'il monte. Mais Phil, là-dessus, de là à dire que Carey Price est malheureux à Montréal, tu sais, j'écoutais Jérémy Filosa du 98.5 dire une émission sur le web, Parching Grace, il mentionnait que Price était malheureux. S'il serait malheureux, il avait la chance de quitter. Il aurait quitté. C'est pas ça. Ben, s'il y a un contrat l'année passée, il veut quoi de plus, là? Ouais. Tu sais, je veux dire, arrêtons de dire que t'es malheureux, là. Ouais. Il est là pour arrêter les frais. Il est à 10 millions par année. C'est assez bien payé, merci. Là. Ouais. Il est le mieux payé du Canadien, mais il est parmi les meilleurs de toute la Ligue nationale. Ouais. Donc, moi, là, malheureux, là, tout le monde a un travail dans la vie, puis ça fait pas toujours notre affaire, mais quand t'es très bien rémunéré, surtout dans le cas de Carey Price, ben, moi, tout ce qu'il y a à faire, concentre-toi sur ta partie, puis fais pour pour ce que le Canadien te paye. Moi, j'ai encore confiance à Carey Price. Moi, je dis, il peut pas avoir perdu tous ses moyens du jour au lendemain, c'est pas vrai. Là, il vit une période où c'est très difficile, sur le plan mental, de dire, je suis concentré, il faut que je retrouve ma confiance. Et le jour où il va retrouver sa confiance, moi, je pense que les Canadiens vont être sécurisés. Mais actuellement, puis là, c'est que tout le monde dit, faites-les pas garder, faites-les garder l'autre. Mais le Canadien va être en série éliminatoire à une condition. Carey Price. Ben, ça passe par Price. Sans faire Price, le Canadien, il ne pourra pas faire les séries, ça, il n'y a aucun doute. Phil, un gros merci pour ça. On parle vendredi prochain. Commentaire de manière. Merci pour la fin de semaine dans ton cas, Danny. Ben, merci beaucoup, puis on espère grandement. Merci. Merci, au revoir. C'est le commentaire de Phil Gagné.